Bonjour à tous, chers amis francophiles. Bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erika, bonjour. We have an intermediate lesson. C'est bien ça, Erika. Alors aujourd'hui, au cours de cette leçon, oui. On se trouve dans un supermarché. Vraiment ? Oui, le contexte n'est peut-être pas le plus approprié. Mais malgré ça, on va réussir à incorporer un peu de rêve. On a un caissier et une caissière ici. Ok. Qui vont se raconter leurs histoires. Pour passer le temps au travail. Et ça comporte pas mal de rêves. Et imaginez, ils sont ailleurs. On va voir ce qui va se passer. Ça m'intrigue. Alors il est temps d'écouter le dialogue. Je sais que ce n'est malheureusement pas le cas, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent ? En effet, ce n'est pas avec ce que je gagne pour le moment que j'y arriverai. Mais un de mes rêves serait d'élever mes propres chevaux. Je ne savais pas que tu aimais l'équitation. C'est ma grande passion depuis que je suis môme. Mes grands-parents possédaient un haras, et je m'y rendais chaque semaine. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le gros lot ? Je voyagerais et je ferais le tour du monde. Il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Tu me donnes des idées. Pourquoi ne pas faire un tour du monde à cheval ? Ce serait un sacré défi. Oui, enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Surtout si j'étais riche. Imagine-toi, au galop ou au trot, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Bon, écoute, dans ces conditions, je préfère encore ne pas avoir d'argent et rester chez moi. Nous revoici. Ce sont les rêves intéressants. Tout à fait, oui. On a donc la caissière qui en première va un peu planter le décor. Oui. Qui est très réaliste en fait. Évidemment, elle s'ennuie un peu. En plus. Elle en a marre de tous les produits, tous les articles, les codes barres. Ouais, j'imagine. Donc, elle essaie de soulever un sujet intéressant à son collègue. Pour changer des idées. Voilà. Bon, elle dit quand même de manière très réaliste bon, que c'est pas le cas. Et elle a dit, je sais que ce n'est malheureusement pas le cas. Mais, mais, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent ? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent ? Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Et il dit qu'un de ses rêves serait d'élever ses propres chevaux. Ça, c'est un rêve intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Et sa collègue ne savait pas non plus. Ben non, elle ne le savait pas puisqu'elle dit « Je ne savais pas que tu aimais l'équitation. » Le mot « l'équitation », en français, c'est le mot qu'on emploie quand on parle des chevaux. Voilà, monter à cheval. Et on peut te poser la question « Est-ce que tu fais de l'équitation ?» Et toi, tu aimes l'équitation, Amélie ? Moi, je crois que j'aimerais l'équitation, mais je n'en ai jamais fait. En fait, je suis monté sur un poney un jour quand j'avais 8 ans, mais c'est tout ce que je connais de l'équitation pour l'instant. Ah, yeah. Depuis que j'ai essayé, je ne suis jamais remonté à cheval. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait. Mais bon, peut-être un jour. Et tu es un peu comme lui. Il a dit c'était quand il était enfant qu'il a trouvé la passion pour l'équitation. Ouais, lui, il a essayé quand il était enfant. Et en plus, c'est devenu sa passion et ça l'est resté. Et il a dit depuis que je suis môme. Ouais. So, môme, c'est enfant. Exactement, ça veut dire la même chose, mais c'est un mot familier pour dire enfant. En fait, c'est plutôt un mot à employer avec des personnes dont on est proche. Okay. C'est quand même très familier, donc on ne va pas l'employer directement avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il était môme ? Mais il avait de la chance parce qu'il avait des grands-parents qui possédaient un haras. Arrête. Alors, c'est quoi un haras ? En fait, un haras, c'est un lieu où on entretient les chevaux, où on les élève. Ok, alors en fait, en anglais, c'est un stud farm. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est son rêve. Et l'autre personne, la femme, si elle gagnait... Le gros lot ? Oui, gagner le gros lot. C'est une expression. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est gagner le jackpot. C'est vraiment gagner le premier prix. Et hit the jackpot. Mais ce n'est pas toujours employé pour les questions d'argent, non ? Pas obligatoirement. Ok. Ça peut être moins concret aussi. Si par exemple, on trouve un travail qu'on voulait vraiment... Oui. Pour lequel on a passé beaucoup de temps à chercher. Okay. On peut dire j'ai gagné le gros lot. So, qu'est-ce qu'elle ferait si elle gagnait le gros lot ? Eh bien là, elle voyagerait et elle ferait le tour du monde. C'est ça son rêve en fait. So, faire le tour du monde. Ouais, donc c'est visiter beaucoup de pays dans le monde. Oui, on voit le monde. Généralement, ça prend du temps et de l'argent. Et elle a dit, il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Ouais. Tant de, ça veut dire beaucoup de. Voilà, c'est un synonyme qui est un peu plus sophistiqué. Ok. Et ce qui est bien, c'est que leur conversation est constructive. Oui, pourquoi ? Parce que lui, il dit, mais tu me donnes des idées. Et bien, cette idée, c'est de faire le tour du monde. Mais... À cheval. Bonne idée. Un cheval qui peut nager. C'est ça les gens qui sont passionnés. Hein. Parfois ils te sortent des... des choses comme ça, ils te disent des trucs et tu dis ah oui, j'y pensais pas. Et ce qu'il dit après, je crois que c'est vrai, que ce serait un sacré défi. Ce serait pas facile, je crois. Ouais. J'imagine que ce ne serait pas des vacances, non? Alors, un sacré défi. Mm-hmm. Donc évidemment, ici, le mot sacré n'a rien de sacré au sens religieux du terme. Ok. Ça serait plutôt dans le sens immense. Ce serait un sacré défi, ou bien a heck of a challenge. Mm-hmm. Un grand défi. Voilà. Pourquoi on dit à cheval? Parce qu'on monte sur le cheval. On n'est pas à l'intérieur. Ah, ok. Sur un avion, par exemple. Mais à cheval. À vélo. Ok, qu'est-ce qu'on est... Sur. Ouais, bon, d'accord. Sur le moyen de locomotion. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée? Ben, elle se pose des questions, hein. Ce n'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Dans sa tête, ça se passait autrement, à mon avis, son tour du monde. Mais surtout si elle était riche, comme elle dit. Oui, elle est en avion, en bateau. J'imagine, elle a envisagé de faire un tour du monde en avion, peut-être. Plutôt, je crois. Mais il est fier de son idée, alors il veut essayer de convaincre que si elle avait de l'argent... Il pourrait aller faire un tour du monde ensemble à cheval. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit? Imagine-toi, au galop ou au trot. À travers les plaines désertiques de Mongolie. Quelle image. C'est au galop. C'est la façon de se déplacer d'un cheval. C'est le plus rapide. Oui. C'est à trois temps, en fait. Le galop, c'est... Ça va assez vite. C'est à, okay. C'est à 21 km à l'heure. C'est rapide. Tu peux faire le bruitage pour un trot. Au trot, c'est... C'est deux temps, le trou. C'est très bien, ça, Marie. Comme tu es dit. Bon, et en plus, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Ah bah, ça doit être très dépaysant, en tout cas. Est-ce qu'elle est convaincue? Mais en fait, il a un peu cassé son rêve. Bon, écoute. Dans ces conditions, moi, je préfère encore ne pas avoir d'argent et je reste chez moi. Je crois, moi aussi. Je préfère encore ne pas avoir d'argent. Oui. Encore, est-ce que c'est nécessaire dans cette phrase? Est-ce qu'on peut dire « je préfère ne pas avoir d'argent » Oui, il n'est pas indispensable, le « encore », là. Ok, on peut dire les deux. Les deux sont corrects. Alors là encore, ça sert à quoi? Encore, en fait, c'est pour renforcer le verbe préféré. Ok. Mais maintenant, rêvons ensemble et écoutons le dialogue. Je sais que ce n'est malheureusement pas le cas, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? En effet, ce n'est pas avec ce que je gagne pour le moment que j'y arriverai. Mais un de mes rêves serait d'élever mes propres chevaux. Je ne savais pas que tu aimais l'équitation. C'est ma grande passion depuis que je suis môme. Mes grands-parents possédaient un haras et je m'y rendais chaque semaine. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le gros lot? Je voyagerais et je ferais le tour du monde. Il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Tu me donnes des idées. Pourquoi ne pas faire un tour du monde à cheval? Ce serait un sacré défi. Oui, enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Surtout s'il était riche. Imagine-toi, au galop ou au trot, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Bon, écoute, dans ces conditions, je préfère encore ne pas avoir d'argent et rester chez moi. Ok, so we're back. There's two things. First, we had plus que parfait. Alors, où est-ce qu'il est, notre plus que parfait? Le voilà. Enfin, ce n'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Yeah, when they were talking about, you know, she wasn't picturing going around the world on a horse. So, this is a case where the plus que parfait is used just like English. Like, you could also say, ce n'est pas comme ça que j'envisageais. On pourrait dire ça aussi. Yeah, just like in English. In this case, you could have said, that's not how I had imagined it, or that's not how I was imagining it. Les deux fonctionnent. They're both okay. So, sometimes there's more than one tense that it's okay. Ouais. It's not always fixed, right? Comme ici. Another thing we should talk about is depuis que. Très bien. Okay, so depuis is what we use when it's followed by like a noun. Depuis 1935 or something, right? Followed by a year or some kind of a noun. But when you're going to follow it by a whole sentence, use depuis que or a whole clause. So in this case, what was the sentence? C'est ma passion depuis que je suis môme. Depuis que could be followed by either the present or the passé composé. So in this case, because you would normally want to say, you know, j'étais môme. So depuis que je suis môme. Voilà. Whenever there's an imperfect, you use the present. But then you could use the passé composé if it was a specific time. So, for example, since I saw that movie, depuis que j'ai vu ce film. Je n'arrête pas d'y penser. Right. Mm-hmm. So, if it was an imperfect, though, that you would normally, like, j'étais enfant. So, depuis que je suis enfant. Oui, voilà, donc, d'accord. Alors, par exemple, on dirait, aller aux États-Unis, c'est mon rêve depuis que je connais l'histoire du pays. So there you use the present, not the imperfect. Mm-hmm. Okay. Parce que tu connaissais cette histoire pendant longtemps. Oui. Voilà, exactement. Et depuis que tu connais cette histoire, you wanted to go there. Exactement, Erika. All right, good example. Okay, so, Amory, is it normal for French people to have this kind of a conversation about if I was rich? Si j'étais riche, je ferais ça? Alors oui, c'est normal, mais entre amis. Ok, yeah. On en parlerait peut-être, parce que tu sais que les Français parlent moins facilement d'argent. Right, yeah. French people don't talk about money too much. Non. It's kind of a taboo subject. Voilà. But between friends, it might be okay conversation to talk about your dreams if voilà. Si on était riche. And you, Amory, si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Ah ben moi, j'apprendrai à monter à cheval. So that then afterwards, you can do a tour du monde à cheval? Peut-être, ouais. Et toi, Erika, c'est quoi? Just like the person in the dialogue. This is you, isn't it? Coïncidence. Yeah. Et toi, Erika, ce serait... c'est quoi ton rêve si tu avais beaucoup d'argent? Si j'avais beaucoup d'argent, si j'étais riche, je crois que je ferais pareil. Not à cheval, mais je ferais un tour du monde en avion, peut-être. Comme cette fille, il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Et oui, c'est vrai. En tout cas, on se retrouve sur FrenchPod afin de partager tous ces commentaires. FrenchPod.com. Et en vous remerciant d'avoir écouté, d'avoir passé cette leçon avec nous. Au revoir. Au revoir.